Jusque-là, on avait pour prétention d'être un journal de critique et de témoignages sur la psychiatrie. On élargit un peu notre champ avec ce numéro 5. C'était un peu en germe dans le numéro 4. C'est-à-dire que à critiquer la psychiatrie, on s'est rendu compte qu'elle faisait partie d'un mouvement un peu plus vaste quand même, qui était plutôt un genre de pouvoir médical un peu plus général, qu'évidemment avec la psychiatrie, dans la mesure où elle se passe dans des murs et qu'elle s'applique au quotidien d'une personne pendant tout le temps d'un internement, évidemment le pouvoir médical est un peu plus visible, plus violent. On a découvert des armes pour le critiquer en regardant la psychiatrie, mais là on a vraiment envie d'ouvrir plus largement à une critique de la médicalisation de nos vies, plus généralement, et de l'administration de nos vies. Et du coup, effectivement, pour ouvrir un peu ce domaine-là, on est quelques nanas, quelques femmes, c'est compliqué ce terme, enfin on a du mal avec ça, on ne sait pas encore tellement comment se définir, en tout cas des porteuses d'utérus, pour le dire plus simplement, qui se sont retrouvées pour écrire un dossier sur l'emprise médicale sur nos corps. Il s'avère que là, ce premier dossier dans ce remède numéro 5 est écrit par des femmes ou par des personnes qui sont catégorisées comme femmes ou désignées comme femmes dans ce monde. Mais ce dossier, à terme, est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quelle communauté de sort qui pourrait se constituer face à la médecine pour en faire une critique serait la bienvenue dans ce dossier. C'est une invitation à ce que des sourds et des sourdes éventuellement nous parlent de comment ils sont traités par la médecine, comme des toxicos, des entendeurs de voix, des enfants, des vieilles personnes, des mères. Tout un chacun qui se sentirait un peu traité particulièrement par la médecine et aurait envie d'en faire une critique pourrait se saisir de ce dossier. Mais ce premier dossier, effectivement, sur plus particulièrement les experts des êtres que nous sommes, c'est-à-dire désignés comme femmes. Et donc il y a un premier article sur comment la gynécologie conforme ou reconduit des aliénations spécifiquement féminines. Un article sur ces espèces de pilules du désir dont on sent toujours dans la presse qu'elles sont en train de revenir parce que il y a le Viagra pour les hommes, n'est-ce pas? Mais alors, il semblerait que les femmes, ça commence à les obséder pas mal, les labos, d'arriver à nous fourguer des pilules pour qu'on soit hyper désirante en dépit de tout, en dépit des rapports qu'on subit, en dépit des rapports qu'on a avec les hommes ou les femmes avec qui on pourrait faire l'amour, etc. Enfin, il semblerait qu'on puisse nous donner une petite pilule et que, bam, notre désir se déploie. Voilà, fabriquer des désirs. Ce ne sont pas les nôtres qui nous ressemblent pas. Exactement, et surtout chimiquement, enfin, ce qui est quand même un drôle de truc. Donc il y a aussi un article critique là-dessus. Sur aussi le professeur Azout, là, et ses malversations. Et voilà, il y a un dernier article sur le professeur Azout, qui est un espèce de le procès s'est tenu là en février pendant 3 semaines aux Assises de Paris. C'est un gynécologue gynécologue spécialiste de l'infertilité féminine, une espèce de ponte qui donc a été jugée pendant 3 semaines à Paris pour répondre de viol sur au moins 33 patientes là pendant le procès. Et il faut savoir quand même que ce type viole des femmes qui viennent dans son cabinet depuis 1985 avec la quasi-bénédiction du Conseil de l'Ordre, puisque le Conseil de l'Ordre, donc l'espèce de commission d'éthique des médecins, est au courant depuis au moins 86 de manière avérée. André Azout, qui a 70 ans, qui comparaissait libre, est un tel ponte que quand les premières plaintes ont été posées en 2005, il a été, honoré du titre de la Légion d'honneur en 2006. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est intriqué dans des réseaux politiques et de pouvoir qui font beaucoup d'influence, énormément. Et je suis aussi mis en lien, si on parlait avec le procès du dit braqueur, tu sais, dans ton article. Ouais. Et c'est vrai que André Azout, il a pris 8 ans de prison. Alors moi, je me suis pris ça dans la tronche. Je me fous complètement de l'échelle des peines, bien entendu. Je sais pas qu'est-ce qui mérite quoi. 8 ans de prison, 10 ans de prison. J'ai pas pour prétention de gérer ce monde, bien évidemment. Et tout en étant abolitionniste de la psychiatrie, on est abolitionniste de la prison. Évidemment. Enfin, moi, je pense que la prison et la justice structurent et cimentent ce monde de la même manière que le fait la psychiatrie. Donc c'est à critiquer. Mais néanmoins, il est vrai que moi, j'étais fin janvier au procès d'un d'un braqueur, Philippe Lalouel, qui a pris donc 17 ans de prison en appel, parce qu'il avait pris 20 ans en première instance, pour avoir braqué 3 banques postales sans violence, avec une arme non chargée. Et donc moi je vois un type qui a besoin de thunes, va braquer des banques, fait peur à des guichetières, ça on ne peut pas le nier, il leur fait peur, mais c'est le jeu dans un braquage de faire peur à celui qui a l'argent. Donc il fait peur à des guichetières, il ne les violente pas ni rien du tout, pour avoir de l'argent qui n'est pas à elle. Et ce type prend 17 ans de prison, mais c'est vrai qu'il est d'origine sociale modeste, pour ne pas dire merdique, quand on le regarde du point de vue d'un juge. Et je vois André Azout, qui est un ponte en infertilité féminine, en procréation médicalement assistée, et qui prend 8 ans de prison pour avoir violé très très salement plus d'une trentaine de femmes. Alors je commence à trouver ça un peu édifiant, quoi. Dans la partie à des fins politiques, j'ai vu plusieurs articles, là j'en ai repéré, qui... Alors là, on n'est plus dans les murs, on est plutôt hors les murs, mais avec un dispositif médico-social, donc qui nous flique. J'ai bien aimé l'expression de contention sociale. Un article affreux, sales et méchants aussi, qui parle des assistantes sociales. Donc tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Alors moi j'ai pas du tout participé à la rédaction de ce dossier, mais néanmoins ça fait partie des espèces de champs qu'on continue d'ouvrir dans Sans Remède. Ça existait un peu dans le numéro 4 d'ailleurs, déjà, de faire des retours un peu historiques sur comment s'était fabriquée la psychiatrie. C'est vrai que nous on se prend la psychiatrie en 2010, 2012, 2014, et on a l'impression que l'ambition des psychiatres ça a toujours été de faire notre bien, etc. Donc en allant chercher un peu historiquement comment naît la psychiatrie, et en l'occurrence l'aliénisme, on a trouvé plein de choses pour penser l'actualité de la psychiatrie. Et là, comme le champ de Sans Remède s'ouvre plus généralement au médical, au médico-social et aux administrations de notre bien-être, de notre santé et voilà, d'assistance, quoi, il y a un dossier du coup sur... comment tu disais, c'était lequel? Oui, c'est ça, le dossier à des fins politiques, oui, avec c'est ça, oui. Deux articles qui sont la longue marche vers la contention sociale et un deuxième article qui est affreux, sale et méchant, et qui sont des articles qui reviennent sur l'origine historique de toutes ces administrations qu'on connaît au quotidien, qui sont la CAF, la Sécu, les PMI, etc., et de se demander quelle est leur origine. Et en fait, c'est assez marrant, c'est qu'évidemment, elles ont une origine commune, une origine qui nous éclaire un tout petit peu sur leur fonction sociale. Bien évidemment que quand on va à la PMI, la seule idée n'est pas qu'on vive... Enfin, comment dire... Qu'il y a toujours pour une administration... un but autre que de nous filer la petite alloc dont on a besoin, quoi. Et du coup, on est allé chercher historiquement quels étaient ces buts, comment s'étaient constitués tous ces bouts d'administration d'assistance. Voilà. Et ça, c'est réuni dans ces deux textes, hein, dans cette espèce de dossier. Au niveau de l'historique, il y a aussi le pour mémoire avec la charte des internés. Me dire un truc. La charte des internés, ça c'était pendant c'était la période marge des années 70. Donc les revendications des patients en lutte. Non, ce qui pareil, est un... ça... bah, pardon, vas-y. Bah, moi je l'ai, bon, comme je suis venue donner mon tout petit coup de main quelques jours à la campagne aussi. C'est une charte que j'ai lue en tant que correctrice. Voilà. Et l'intérêt, en fait, c'était l'organisation collective, de patients. Alors, par contre, il y a quand même un petit un petit désaccord avec la revue Sans Remède. C'est par rapport aux soignants. Qui elle considère que, enfin. Voilà, la charte des internés, eux, ce sont des gens qui se considèrent comme des travailleurs, qui sont empêchés de travailler, finalement, pendant un certain temps, le temps où ils sont enfermés. Enfin, en gros, voilà, c'est ça. Donc, tu peux un petit peu nous expliquer le désaccord ou... Ben, en tout cas, Denis. Je peux dire, en tout cas, que pour mémoire, du coup, qui est une espèce de rubrique, pareil, qui était dans les deux derniers Sans Remède, qui revient dans celui-là, c'est un endroit où on a envie d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, dans les champs critiques de la psychiatrie. Et évidemment, nos sources sont toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a, ben voilà, dans les années 70, il y a eu quelques journaux assez chouettes, que sont Marge ou Psychiatrisé en lutte, qui étaient des journaux de critiques. Des champs psychiatriques essentiellement. Et la charte des internés, elle a ça de particulier qu'elle a été co-signée à l'époque par tout un tas de groupes critiques qui étaient autant en marge que donc le GIA, le groupe information asile, que la RLIP, que le comité des handicapés, que Garde-Fou. Mais aussi, elle a été écrite, semble-t-il, en lien avec le SPK, le collectif de patients socialistes allemands, et le MPU, un mouvement de malades mentaux, il s'appelle comme ça, anglais. Et du coup, c'est une charte qui revendique 33 points ou 36 points, je crois, très précis, du genre on veut une salle dans laquelle se réunir quoi qu'il advienne à l'intérieur des murs de l'hôpital. Enfin voilà, ils ont tout un, ils veulent l'abrogation d'un certain nombre de décrets, la fermeture d'unités pour malades difficiles, comme on dirait aujourd'hui. Je crois qu'on disait aliénés dangereux, pas à leur époque, mais comme voilà, pavillon Henri Collin, etc., quand elles ont été créées. Alors après, voilà, ce qui est assez particulier, c'est-à-dire que nous, ça nous intéresse de montrer quel genre de critique de la psychiatrie il y a pu avoir préalablement, enfin avant, dans le temps, quoi. Aussi parce qu'on se sent un peu orphelin de tout ça, c'est pas comme si on nous l'avait beaucoup légué, toutes ces armes pour penser. Mais c'est vrai que voilà, la charte des psychiatrisés, elle a une espèce d'énergie, de patate qui nous a beaucoup plu. Et puis il y a ce truc assez particulier, contextuel de l'époque, c'est que les psychiatrisés ou les internés, comme eux ils disent à ce moment-là, sont considérés comme des travailleurs qui sont suspendus pour un temps de leur capacité de travail parce qu'ils sont touchés par la maladie mentale. Je mets des guillemets, mais ça se voit pas. Et donc, ça leur permet à l'intérieur des murs d'avoir des alliances avec tous les travailleurs, c'est-à-dire que seront considérés au même titre dans ces luttes-là, autant les internés que les soignants. C'est quelque chose qui éventuellement s'entend dans leur lecture politique, voilà. C'est peut-être ça s'entend dans leur. C'est un contexte particulier, voilà. Parce qu'il y avait un espèce de une remise à jour, une espèce de renouvellement de la psychiatrie. À l'époque, il y avait une remise en question sur le rapport soignant-soigné, un désir, une volonté d'être le égal, d'être sur le même plan, du soigné, d'être du soignant, d'être sur le même plan que le soigné. D'être aussi décisionnaire que les autres. Quoi. Oui, et puis il y avait les expériences comme ça, il y avait Saint-Alban. Etc. C'est où il y avait une tentative de gestion des occupants, des patients avec les soignants, des services, des choses qui voilà, des par exemple de la cuisine, de l'accueil, de voilà, c'était une époque particulière où et puis c'est aussi beaucoup le travail. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est que on est dans un monde du travail. Même et à l'époque c'était déjà comme ça. Donc se ressentir comme un travailleur avec des autres travailleurs à l'époque c'était encore plus. Sauf que là depuis il y a quand même en tout cas de la part de l'équipe de Sans Remède et certainement d'autres, il y a quand même l'idée de pouvoir, d'enfermement, de pouvoir de l'institution sur la personne qui a le malheur de se retrouver en HP, voire même pas qu'en HP, mais là il se trouve que c'était le contexte, c'était le... Dans les années 70, le mouvement des travailleurs était assez puissant aussi, c'est pour ça que ça donnait de l'énergie à tous ces... À d'autres luttes. Ces travailleurs de tous les pays, unissons-nous. On sort de ces limites des Trente Glorieuses. Oui, on était dedans, on était en plein dedans. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est un moment particulier de considérer tout le monde comme travailleur. Pourquoi pas? Moi, c'est pas ça que je vois à l'intérieur des murs de l'hôpital, même si à l'époque, néanmoins, eux, ils parlent aussi de, enfin, de pouvoir psychiatrique, j'en sais rien, mais de mesures coercitives, de systèmes disciplinaires, peut-être pas exactement avec les mêmes mots, mais enfin, c'est des choses qui mettent au jour quand même, je dirais, ils se cachaient pas derrière leurs petits doigts par rapport à ça. Néanmoins, moi aujourd'hui, quand je regarde l'hôpital psychiatrique et puis avec les 4 ans de critiques que je me suis fabriquée, enfin, qu'on s'est fabriqué à l'intérieur de la bande de Sans Remède, moi, à l'intérieur de l'hôpital, je vois une espèce de reconduction de classe entre les soignants et les soignés. Et il y a les soignants qui sont donc autorisés à entrer et sortir librement dans l'hôpital, qui ont le pouvoir sur le corps des soignés, le savoir qui permet de les écraser et les moyens de liberté à l'intérieur. Quand on regarde la position du soigné à l'intérieur de l'hôpital, qui est donc de ne pas savoir ce qui lui arrive, de ne pas maîtriser ses allées et venues, de ne maîtriser aucun des champs de sa vie, c'est-à-dire que tu décides pas à quelle heure tu manges, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te laves, ni rien du tout. Et tu n'as aucun savoir, ni de ce qu'on te fait, ni des ressorts qui permettent de poser des diagnostics ou de te traiter de telle ou telle manière. Moi, je vois très clairement se dessiner deux classes. Et du coup, je ne sais pas si ces deux classes-là, qui pour moi sont irréconciliables telles quelles, ou en tout cas au sein du journal Sans Remède, peuvent entrer dans l'unique case de travailleurs qui, enfin, si juste le seul levier de le penser en termes de travailleurs, travailleuses, permettrait de créer une conjonction de lutte, etc., quoi. Moi, j'en vois, des psychiatres critiques, il y a la bande à 39, la bande à je sais pas quoi, tout ça. Ces gens-là ne sont pas mes potes, ne le seront jamais, nous ne sommes pas sur la même ligne critique, et aujourd'hui, je vois pas que l'idée même de les considérer comme des travailleurs au même titre que moi, permettrait qu'on marche main dans la main dans une critique de la psychiatrie, quoi. Pour moi, ces deux classes sont irréconciliables telles quelles. Et en tout cas, le plus important dans Sans Remède, c'est moins une histoire de classe, hein, d'ailleurs, qu'une histoire d'un genre de non-mixité ou de permettre à des paroles de s'exprimer un peu tranquillement, un peu librement, de manière un peu sécurisée, même si le terme est un peu dégoûtant, mais que c'est déjà très très dur de parler de l'hôpital, c'est très dur de parler de ce qui a pu nous arriver à l'intérieur, c'est très dur de rencontrer des gens qui pensent que notre parole est valable. Et du coup, quand on a réussi à créer cet espace dans Sans Remède, on a d'emblée décidé que personne pourrait venir le polluer, quoi, et que ce serait aucun soignant ne serait autorisé à venir témoigner dans notre journal. En même temps, les soignants peuvent parler où ils veulent, nous les psychiatriser jamais nulle part, ou alors sous la coupe de soignants, ou alors cautionnés par des soignants. Donc, voilà, dans Sans Remède, ça reste une donnée de base que c'est les paroles écrabouillées dans le reste du monde social auxquelles on veut laisser de la place. Et pour ce faire, c'est possible que dans ce monde, en 2014, il y ait 76 pages où il n'y ait pas un seul soignant qui parle quand des psychiatrisés racontent ce qu'ils ont à raconter, quoi. Alors, on va peut-être passer la musique que tu as amenée, Vincent. Oui, elle vient fou dans le village. Hein, c'est la musique des Vandales, d'Afrique du Sud. Oui, oui. Emilio à la technique, salut à toi. Yeah. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui Sans remède, en la présence de Constance et Vincent. Là, on peut peut-être revenir là, sur ce qu'on en avait évoqué au début, le joli monde de l'expertise. Alors ça, c'est un travail à partir d'un témoignage, d'un procès. C'est des gens qui ont assisté à un procès avec expertise psychiatrique. Et on a un travail d'analyse, en fait, sur ce qui s'est passé dans ce procès. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que Vincent m'a provoqué cette réflexion tout à l'heure quand on parlait du docteur Azout, de dire que oui, quand j'ai écrit sur le docteur Azout, j'ai aussi fait une petite conclusion sur le procès de Philippe Lalouel. C'est vrai qu'on était, une quarantaine ou une cinquantaine à aller au procès de ce prisonnier longue peine, donc qui a déjà passé 23 ans en prison, qui a été contaminé par l'État avec le VIH dans les années 80, et puis qui donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, vient de reprendre en appel 17 ans de prison. Pour trois braquages, sans violence, avec une arme volontairement non chargée dans des agences postales, pour une somme dérisoire. Donc 17 ans de prison. Et du coup, on était quelques-uns de Sans Remède aussi à être à ce procès. Et on a un collègue de Sans Remède qui a voulu écrire cet article sur, qui s'appelle donc Le joli monde de l'expertise, évidemment un titre ironique, raconter à quoi servent, comment sont mises en scène dans un procès d'assises les expertises psychologiques et psychiatriques d'un accusé. Voilà, et du coup, c'est à partir de ce procès-là, mais c'est une réflexion plus générale sur l'importance de l'expertise dans notre monde et de son utilité pour pouvoir juger un accusé. Moi, je trouve que le truc... Juste pour le dire, je peux, le truc le plus fécond, le plus intéressant pour penser vraiment, que moi j'ai compris en discutant avec du coup ce bon copain sur cette question de l'expertise, c'est de dire en fait, dans un tribunal ne juge un accusé que s'il est responsable pénalement, c'est-à-dire s'il n'était pas, si son discernement n'était pas aboli. Et du coup, on a un expert psychiatre qui vient pour faire rentrer l'accusé dans le lot des semblables, dans le monde social, en disant cette personne n'est pas inaccessible à la raison, cette personne n'a pas agi aliénée ou possédée, enfin elle était responsable de ses actes, donc on peut la juger, elle devient un accusé qu'on peut juger et qui est accessible à la peine. Et ensuite il y a l'expertise psychologique qui vient pour permettre de d'enfermer intégralement l'accusé et tous ses actes dans un... qui vient permettre aux jurés et au tribunal de lire l'entièreté d'une personne à travers un acte, comme si toute cette personne, depuis sa naissance, était tendue vers le fait d'un jour commettre un braquage. Parce que sa drogue abandonnique, parce que manque de repères, parce que à 3 ans, son père lui a foutu une claque et que du coup, ça voulait dire que à 46 ans, il serait encore braqueur. C'est hallucinant ce qu'on voit vraiment en termes d'expertise à l'intérieur d'un tribunal d'assises. Et du coup, cet article, vraiment hyper, hyper intéressant de ce point de vue-là. Quoi. Et dans le procès, l'état social n'est pas sa décharge. Voilà, évidemment pas. C'est ce que je voulais. Dans le procès, le juge avait dit qu'on n'est pas là pour faire le procès, pour faire le procès du système. Absolument pas. Et quand, évidemment, jamais question de déterminisme social. Il est toujours question de savoir qu'est-ce qui, psychologiquement, dans telle manière d'avoir été traité par son père, par l'école, etc., a posé en toi et a fait grandir en toi le germe de devenir un braqueur, comme si ça n'avait aucun rapport avec le fait d'avoir été contaminé par le VIH à l'hôpital, d'avoir passé 23 ans de prison, d'être en conditionnel dans des conditions pourlingues, de pas avoir de thunes, et du coup un jour repartir faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire aller au braco avec une arme, en l'occurrence non chargée, mais voilà, c'est-à-dire que tous les pans de l'histoire d'un accusé sont évoqués à charge et pour construire une espèce d'image hyper définitive d'une personne, quoi. Et ça, c'est l'expertise psychologique qui s'en charge. Oui, là en fait, la psychiatre qui fait une collection de faits. Alors au début, on a l'impression qu'elle voudrait atténuer l'excusé. Oh, il n'a pas père, machin, un peu comme les plaidoiries, là, comme un peu caricaturales. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout des excuses. C'est qu'on est en train de construire. À l'image d'un asocial qui jamais se remettra dans les rails. Quoi. Et là, le déterminisme social, en fait, il est pas, c'est utilisé à dessein, quoi. Enfin, contre lui, quoi. Au lieu de dire, le pauvre, enfin, il a pas eu de chance. Il a fallu qu'il mange pour survivre. Non, on monte tout un espèce de truc un peu bizarre d'ailleurs. La personne qui fait ce truc à charge contre lui finalement, tout en ayant l'air de vouloir l'excuser. En plus, elle se trompe. Elle a des choses très importantes qu'elle ne dit pas et qui pourraient effectivement expliquer certaines choses. Enfin, c'est vraiment. On est jugé, c'est une espèce de mascarade où t'es jugé avant d'examiner quoi que ce soit. Puis l'histoire du déterminisme social, c'est vraiment pas un mot pas quelque chose qu'ils ont envie d'aborder, même s'ils le savent. Parce que je pense qu'il y a une espèce de cynisme, de classe, encore une fois, qui fait que, bon, c'est un pauvre bougre, on va le mettre à l'ombre, il nous enquiquine, et pour le reste, on n'a rien à faire. Personne pour le souffrir. Les employés dans la banque aussi étaient pris dans un dispositif de la part de la banque postale. Ouais, alors ça, après, nous, on a vu le système des victimes un peu s'organiser sous nos yeux et tout. Ça, c'était assez répugnant. Et moi, j'aurais vraiment du mal à parler de ces personnes-là parce qu'elles venaient là pour de la thune et qu'elles sont venues mettre en scène des traumatismes tellement profonds que 4 ans après, elles font encore des cauchemars. Bon, on sait très bien aussi que plus elles ont de cauchemars, évidemment, plus elles ont d'argent et que la banque postale, en réalité, les a bien entendu poussées à porter plainte et donc à revenir en appel. Et donc il y a des victimes qui sont là en appel pour regarder un mec prendre 17 ans de prison parce qu'elles font des cauchemars. Bon, moi j'ai vraiment eu du mal à encadrer ce truc là enfin j'ai trouvé ça assez répugnant, mais c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à penser à ce niveau là parce que voilà, tout ça est très difficile à développer comme ça en quelques minutes. Par contre, il y avait quelque chose sur lequel je voulais revenir un peu, c'est que ce qui est hyper intéressant aussi et qui est pas forcément développé plus que ça dans l'article parce que c'est pas le propos propre, mais c'est que pour avoir été à ce procès, les deux experts psychiatres et psychologues qui sont cités à la barre ont donc rencontré l'accusé, Philippe, pendant une demi-heure il y a 3 ans. Ça c'est quand même assez intéressant. Pendant une demi-heure il y a 3 ans. Donc évidemment en une demi-heure ils n'ont pas les moyens de fournir un dossier d'expertise. Bien entendu que le dossier d'expertise se fait avec les pièces qu'ils ont sous la main. Les pièces qu'ils ont sous la main, c'est notamment le dossier d'instruction. Un dossier d'instruction est monté à charge d'un accusé. Donc un dossier d'instruction, une demi-heure d'entretien dans des conditions pourlingues et une bonne dose de préjugés font le genre d'expertise qu'on a eu sous les yeux, qui sont, mais d'une bêtise confondante. Enfin, moi, je suis atterrée, je vois une expert psychologue se pointer et je me dis, je suis plus maligne qu'elle, ça me terrorise. Enfin, ça fait pas du tout partie des choses qui me flattent, je suis épouvantée. Et du coup, on a vu aussi cet expert, cette experte psychologue dire des choses absurdes du genre, oui, mais monsieur Philippe Lalouel ne se remettra jamais, en selle, d'un point de vue de comment il devrait fonctionner dans le monde social, il souffre d'un syndrome abandonnique qui a été constitué par l'abandon de son père quand il avait à peine 6 mois, en fait ce type est un irrécupérable, etc. Et une des preuves qu'elle a pour ça, c'est de dire, et puis monsieur Philippe Lalouel, depuis tout le temps qu'il est incarcéré, c'est-à-dire quand même 23 ans, n'a jamais envisagé de suivre une psychothérapie. Ah oui, voilà. Et alors ça, c'est quand même vraiment génial, c'est que monsieur Philippe Lalouel, pour le dire tranquillement, en 23 ans de prison, a été transféré 59 fois. C'est-à-dire qu'en tout et pour tout, il passe 5 mois et demi dans chaque lieu de détention où il est. Alors évidemment, en 5 mois et demi, je sais pas si on a si on a les moyens même de mettre en place un suivi psychothérapeutique, si tant est qu'on en ait envie, est-ce que le fait de ne pas avoir envie de suivre, d'avoir un suivi psychothérapeutique veut forcément dire qu'on est un asocial profond quand il faut voir qu'il faut se taper cette nana-là, qui a l'air quand même d'être la dernière des abrutis, en tôle, quoi. Donc moi je veux dire, si ça c'est une preuve que ce type récidivera et quand il sortira, refera des braquages, mais moi, elle peut venir me parler pendant une demi-heure et me dire que je suis irrécupérable. C'est sûr qu'à ses yeux, je suis irrécupérable. Et du coup, voilà, on a vu ça se dérouler dans ce procès et ça nous paraissait indispensable qu'il y ait une critique un peu en règle des fonctions et des rôles au sein d'un tribunal des expertises psychiatriques et psychologiques. Il y a un beau travail d'analyse dans cet article, c'est très, très détaillé, tous les mécanismes, tout ça, c'est... Nous parlons d'un article qui a paru donc qui va paraître donc dans Sans remède numéro 5, Le monde merveilleux de l'expertise. Exactement. Voilà. Et du coup, pour le dire vite fait, parce que c'est assez chouette, on l'a mis en lien avec une lettre qui était déjà parue dans L'Envolée en février 2010. Une lettre de quelqu'un qui écrit à monsieur le diplômé de criminologie parce qu'on vient de lui proposer d'être expertisé pour son procès. Et il écrit une lettre... qui fait vraiment très plaisir à lire parce qu'il dit, mais écoutez, alors là, vous pouvez essayer tant que vous voulez de m'expertiser, mais moi, je refuse de me plier à votre petit jeu. Donc, démerdez-vous avec d'autres pièces. Moi, je vous fournirai rien pour le faire. Voilà, très joli pied de nez, très argumenté. En psychiatrie, on met pas d'identité pour ne pas la perdre. C'est ça. On a aussi... dans une autre petite rubrique pour mémoire, un article qui s'appelle « Dans le mi-temps du lit ». Donc, tu nous as dit que ça se rapportait au film « Family Life ». Oui, voilà. Alors, pour mémoire, du coup, c'est une rubrique qui existe déjà dans le numéro 4, qu'on vient de développer parce que pour mémoire, du coup, dans cette rubrique, pour mémoire, on a déjà la charte des internés dont on a parlé il y a une dizaine de minutes. Et on a aussi décidé de publier un extrait, l'extrait d'un livre qui s'appelle « Dans le mi-temps du lit ». Qui est paru aux éditions du MLF, dans les collections pour chacune, qui est un livre écrit à quatre mains par Evelyne et Claude Gutmann. Et c'est un retour sur leur histoire à eux. Ils sont tout jeunes, ils ont deux enfants. Mai 68, les années 70, tous les bouleversements leur arrivent dans la tronche. Et ils décident pour survivre tous les deux et avec leurs deux enfants. Pour survivre à cette espèce de changement de paradigme complet dans leur vie, comment ils veulent se rapporter au monde et tout, d'écrire un livre à quatre mains. Donc chacun écrit un chapitre. Voilà, ils parlent du couple, enfin de leur couple, de ces années-là, de ce que c'est que l'amour, enfin tout ça, tout ça. Mais surtout, il y a un moment, voilà, un extrait de page qu'on vous propose dans le journal. Parce que une collègue de lui, on va dire, est menacée d'être internée à Sainte-Anne, et donc ils réagissent ils sont complètement choqués par cette histoire, et surtout parce qu'ils ont vu Family Life une semaine avant. Et du coup, il y avait quelque chose de très joli de lire ce bouquin et d'avoir de la main directement des gens qui ont vu Family Life à l'époque, ce qu'ils ont ressenti en voyant ce film et quelle incidence directe ça a eu dans leur vie. Donc Family Life, c'est ce film de Ken Loach sur une jeune anglaise qui finit à l'hôpital sous une pression familiale, etc. Énorme. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent L'Entonnoir qui l'auront vu. C'est quand même un film assez classique dans les milieux de critique de la psychiatrie. Et là, il y a ce truc hyper joli de voir une semaine après quelle incidence ce film a sur l'internement d'une nana et puis dans la vie de deux personnes qui peuvent pas laisser faire ça. Ils disent... on avait vu ce film et du coup, Sainte-Anne, c'était impossible, quoi. On ne pouvait pas laisser faire ça. Du coup, voilà, c'est plutôt un moment un peu de... Voilà. Moi, j'espère que dans 20 ans, on trouvera des gens qui raconteront... on retrouvera sur des petites archives de gens qui raconteront qu'est-ce que ça leur a fait de voir Sainte-Anne de Ilan Klipper et puis comment peut-être, éventuellement, ils ont réussi à s'opposer à des internements ou qu'est-ce que ça a bouleversé en eux. C'est un petit bout d'archives comme ça qui est très, très, très joli, quoi. Oui, ça fait livre bien, est vraiment magnifique. Aussi de voir une solidarité, une sensibilisation et puis un passage à l'action de on va pas laisser faire. C'est vrai que c'est émouvant. Ouais, il est très très beau ce texte. Alors, il y a aussi dans ce Sans remède là dont j'ai parlé aussi dans l'intro, j'ai parlé de plein de témoignages, donc C'est des témoignages qui peuvent venir de rencontres, peut-être d'ailleurs aussi. Tu peux, quelqu'un peut nous en dire deux mots, deux, trois mots même. De rencontres. Alors, même peut-être pour dire que, par rapport, par exemple, là, quand on s'est retrouvés pendant 15 jours, il y a des gens qui viennent pour la première fois, d'autres qui viennent, qui sont là depuis le début, dans cette histoire de Sans Remède. On écrit sur place, ou alors on a écrit avant, et on se lit les textes qu'on a écrits, on en discute, etc. Donc ça, c'est un, admettons que ce soit les textes qui sont écrits par la bande de Sans Remède, enfin pour le dire un peu grossièrement. Et du coup, évidemment, on a aussi des gens qui nous écrivent par le biais de la boîte mail ou en faisant passer des textes par l'un ou l'une d'entre nous. Et ça, ce sont des textes qu'on met dans une espèce de catégorie on a reçu ou venu d'ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des textes auxquels on ne retouche pas du tout, quoi. Nous, entre nous, on discute de nos textes, on les bouine, on les bidouille, on en parle et tout. On a reçu, on ne modifie pas du tout les textes qu'on reçoit. Et voilà, et du coup, il y en a un certain nombre. Je vous écris d'une poubelle. Voilà, et du coup, il y a des, là, en l'occurrence, une copine qu'on a croisée à Marivieille qui nous a écrit deux très jolis textes. Je vous écris d'une poubelle, n'est-ce pas, Vincent? Et Mon Panache, qui sont, ouais, super beaux textes sur, ce que fabrique l'angoisse d'un internement. Sans forcément avoir été interné, qu'est-ce que ça fait de que familialement on vous fasse peser une menace d'internement? Qu'est-ce que ça fabrique en soi? C'est et puis c'est hyper beau, quoi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup comment elle écrit. Il y a une lettre aussi qui s'appelle Pour toi Toubib, voilà, qui est un deuxième témoignage du journal et qui est hyper chouette puisque c'est quelqu'un qui a après être sorti de son histoire psychiatrique et tout, a écrit une lettre au psychiatre qui l'a diagnostiqué schizophrène et qui lui a annoncé qu'il était schizophrène. Et du coup, la lettre commence comme ça, pour toi Toubib. Et puis, c'est une explication en règle qu'il n'a pas pu faire directement avec la personne concernée. Ça m'a fait penser un peu à l'homme au magnétophone. C'est un texte qui, quand on le lit, faut le sentir oralement, s'il est adressé directement. L'homme au magnétophone, tu peux nous expliquer un petit peu? C'est dans les années 60, une personne qui retourne voir son psychiatre avec un magnétophone et puis qui commence à lui parler d'une manière très, très libre. Enfin, il prend sa revanche en quelque sorte. Quoi. C'est ça. Et bon. On peut le trouver encore sur Internet. Oui, c'est aussi, il joue aussi sur le début de, enfin, la peur et puis la lâcheté du psychiatre qui est privé de ses moyens de rétention, répression, commence à. Ouais, il est pris au dépourvu. Il est pris au dépourvu. Plus qu'au piège d'ailleurs. On sent qu'il flippe, quoi. L'histoire de ce texte-là, c'est qu'il a plusieurs années et finit comme quelque part à recommencer à diffuser. L'homme au magnétophone. Non, le texte là. Le texte, d'accord, pour toi, Toubib. Oui, c'est vrai qu'il a été écrit il y a longtemps, ce texte. Il n'a jamais été édité nulle part. Personne qui l'avait écrit ce texte ne pensait pas que ça intéresserait quelqu'un d'autre que quelques copains qui l'a fait lire. Et du coup, une de ces personnes fait partie de la rédaction de Sans Remède pour ce numéro 5 et du coup nous a amené ce texte qui nous a beaucoup plu, quoi. Donc c'est une expression, quelqu'un qui s'exprime mais à distance, c'est-à-dire en toute sécurité, c'est-à-dire hors de portée du psy, c'est ça? Voilà, et puis une certitude que le psy l'aurait pas écouté jusqu'à ce qu'il ait fini son argumentaire aussi, parce qu'il y a quand même ce bout-là qui est assez intéressant, quoi. Voilà, donc d'où la comparaison de l'homme au magnétophone qui, pour une fois, allez hop, il prend le dessus, il s'exprime, il y va... Et c'est même drôle par moment, c'est... Voilà. L'homme au magnétophone, par la suite, a été interné. D'accord. Ah, ça c'est moins drôle. Beaucoup moins drôle. Alors on parlait de Marivieille, oui, Marivieille, c'est un des événements qui ont lieu, donc résister à la psychiatrie, les rencontres résister à la psychiatrie, donc qui ont lieu en octobre 2012, oui, et en septembre 2013. Mmh. Oui, bah évidemment, là, dans ce Sans Remède, et comme des Sans Remède précédents, enfin le dernier est celui-là, du coup, il y a des petits retours sur des rencontres avec deux comptes rendus, voilà, sur ces rencontres-là de Marivieille, dont on était venu parler d'ailleurs dans l'émission en octobre, début octobre, on était venu raconter un peu ce que ça nous avait fait On était hyper bouleversés, hyper enthousiastes et tout, je me rappelle de cette émission. Mmh. Et donc là, il y a deux comptes rendus, très chouettes, et un texte qui s'appelle « Aliénation et déviance », qui est écrit par... Alors, ça pourrait être un peu bizarre parce que, effectivement, c'est pas un compte rendu sur les rencontres directement, mais c'est une hypothèse sur les liens entre l'aliénation et la déviance qui a beaucoup, beaucoup nourri les discussions de Marie Vieille, parce que cette personne, qui est donc venue faire la rédaction de Sans Remède pendant 15 jours, cette personne était arrivée avec un texte de proposition de discussion, et c'est vrai que ça a occupé beaucoup, beaucoup des discussions donc et des rencontres. Du coup, on lui a dit que quand même, ce serait trop chouette si ce texte-là existait dans Sans Remède. Et il l'a remodifié, réécrit pour qu'il y soit. Et voilà. Et c'est un texte que, il faudra mieux lire son argumentaire à lui, mais qui postule, pour peu que je puisse le résumer un peu. Fais-nous un petit teaser, là. Une espèce de. Qu'on a envie de lire. Qu'on a envie de le lire. L'idée étant qu'on est tous aliénés. C'est-à-dire qu'on a intégré des mécanismes de domination à l'intérieur de nous, mais qu'il y a des gens qui ont été bien aliénés et d'autres mal aliénés, c'est-à-dire autant d'aucuns vont à leur travail, vivent très bien de bosser sur une plateforme d'arty, etc., autant d'autres ont été vraiment mal aliénés avec ce truc-là et préfèrent essayer de rester au RSA pendant 25 ans. Et on peut prendre l'exemple des femmes, autant certaines femmes sont douces, féminines, tendres, etc., autant il y en a qui ont vraiment raté un bout complet de leur aliénation typique de femme et qui sont autoritaires, couvrent leur gueule, qu'ont décidé qu'elles seraient pas jolies dans la vie parce qu'après tout elles emmerdent la terre entière et en particulier les hommes qui les font chier. Et du coup c'est plutôt des bouts d'aliénation déviante, ces bouts qu'on a mal intégrés, ces bouts d'aliénation qui nous sont dévolus parce que quand on est une femme on serait censé avoir tel type d'aliénation. Si on n'a pas les bonnes, on risque d'être catégorisé comme déviant ou comme déviante. Et voilà. Et on a trouvé ça hyper fécond pour penser, quoi, parce qu'il y avait pas d'un seul coup des gens qui étaient plus aliénés que d'autres. L'aliénation recouvre l'intégralité de nos manières de nous tenir et de nous comporter dans ce monde. Et c'est vraiment, est-ce que on a bien intégré donc les aliénations spécifiques à notre condition, d'enfants, de noirs, de femmes, de pauvres, de riches, de travailleurs, de chômeurs, etc., ou pas. Et c'est quand on les a pas bien intégrés qu'on devient déviant. Et qu'on risque de devenir rebelle. Et voilà, qu'on est catégorisé comme anormaux, rebelles, marginaux, et puis tout ça mène évidemment à la déviance assez rapidement, et éventuellement un traitement en règle par, ou l'hôpital psychiatrique, ou un certain nombre d'administrations, des sanctions, la prison, ou pour les femmes un médicament aphrodisiaque. Si par exemple on est une femme et qu'on décide que faire l'amour ne nous intéresse pas, il y a des chances, malheureusement aussi étonnant que ça puisse paraître, qu'on veuille nous fourrier des médocs. Ça paraît dingue quand même. Eh bien, on va peut-être faire une petite pause musicale. Y a-t-il encore? Je veux loger dans des forteresses, en ces heures de forte dèche, où tragédies et taguées, trinquées quand les morts se crèchent, jusqu'à ce que les formes me laissent, en plan et que la mort me sèche, ou encore que je me rabaisse, je ne sais quelle forme de lèche, forquette, je reste un rabasse, tu te si genre je fraîche, et vomis la bonne parole, que tour à tour ces formes prêchent, tant pis si le décor me stresse, je finirai par m'y faire, pour l'instant je m'empresse de rendre la même à tous ces cons qui m'oppressent, en bref, m'exerce un max à les vex, dans les actes et textes, tant bien que mal tente, de pas me faire alpaguer par les decks, sous prétexte, je veux pas d'une fille en bec, dans un 20 mètres carré t'as fait payer la flotte et les legs. Au fond je m'en bats les steaks, zingue avec les parcs et bois des pintes, fume des clopes et des pets, et rêve d'un son qui dépote, mais les M6 me dépitent, veulent tous gonfler les pecs, à base de punchline en toc, des tours, des bosses, des tronches de cake. 2013 mec, l'année du peste, de dénonce de traître, des thèses aux réponses de maître, les pèses comme dépenses de prêtre, mais nous lâcher comme Star Trek, cosmique c'est d'aisance peut-être, inutile et malhonnête, moi j'en ai plein les baskets, ça perd l'hypopète, chacun son fun des light. Ça piole son hypothèque, ça colle sur son mini copec. Les commis sont micro-bêtes, qui rêvent que la nitro-bête, mais se font envoler comme une miette, soufflée par la mitrompette. Je n'aime pas mon avis, je constate. La vie, ça pue, la bêtise et la compète. Les stats, les stéroïdes et la complète. Les stats, les strades et les strass et les fomblards qui s'exclavent. Au fond, tout le monde se complète. À quoi bon faire dans le détail? Je préfère encore faire des tags, ce sera toujours moins complexe. Qu'on se taise et qu'on se désingue devant la vie, on t'étale. Je suis sur le piédestal, m'en verroupillé comme on flex. Nous fuis des choses et de contexte comme d'un graphite illégal, des agraphines illégales, comme de tous ceux qui me pompent l'air, vu que c'est qu'on n'a rien pour plaire, comme une maladie létale, comme une maladie létale, comme une maladie létale, comme une maladie létale. Je reste à Rabat. C'était FKR. Alors, Constance a envie de parler de textes qui lui tiennent à cœur. Donc, voilà, l'essai. Ouais, non, on était en train de se dire, quand on n'était pas à l'antenne, que c'était compliqué d'essayer de résumer en une heure parce qu'il y a vraiment beaucoup. Enfin, c'est vraiment un gros numéro. Mais c'est vrai que moi, ça m'irait pas du tout de partir sans dire qu'on a aussi deux témoignages très chouettes de quelqu'un qui fait partie de la rédaction de Sans Remède et qui raconte qu'est-ce que ça a transformé dans ses rapports avec une personne internée de témoigner. Alors dans Sans Remède, mais ça aurait pu être ailleurs en fait, hein, de mettre en écrit son rapport avec l'institution psychiatrique et puis avec cette personne qui lui est proche. Qu'est-ce que ça a changé pour elle dans son rapport à la psychiatrie, à cette personne, etc. Enfin, et du coup, voilà, moi j'étais, c'est vrai, hyper heureuse qu'il y ait un témoignage sur le témoignage, sur à quoi ça sert d'écrire ou qu'est-ce que ça peut changer dans son rapport à soi et aux autres d'écrire, quoi. Et de pas se laisser raconter son histoire par la psychiatrie, mais de se dire à un moment, moi je vais la raconter moi-même, quoi. Moi, c'est vrai que ça m'a fait ça il y a 4 ans quand j'ai écrit dans mon premier témoignage dans Sans Remède et je suis heureuse de voir que ça existe pour d'autres personnes. Du coup, voilà, ça me... On pourra pas du tout être exhaustif sur tout ce qu'il y a dans ce journal, mais c'est vrai que ça m'aurait vraiment fait chier de pas faire une petite place à ces deux textes que moi je trouve assez magnifiques. C'est très important, parce que c'est aussi le fondement de Sans Remède. C'est l'urgence première qui fait que Sans Remède existe à l'époque. Hein. Enfin, en 2010, c'est ça qu'on s'est dit, quoi. C'est de parler, de s'exprimer, faut pouvoir le faire. Et c'est bien que quelqu'un, justement, décortique un petit peu le processus et explique ce que ça lui apporte. C'est chouette, ça. Ouais, ces deux textes s'appellent donc Les Fossiles et Le Pavé dans la Mare. Voilà, qui sont deux textes sur le fait de faire un témoignage et les incidences que ça a dans sa vie après, quoi. Ah, c'est beau. Et puis on voulait peut-être évoquer vite fait aussi le fait que pour la première fois dans Sans Remède, on a des traductions. Alors ça y est, on est une équipe internationaliste avec des poules de correcteurs, de traducteurs et de traductrices et tout. Et du coup, on a deux textes venus d'ailleurs qui sont En allumant des feux, qui est un texte qui a été traduit de l'espagnol et qui émane d'une bande de madrilènes qui ont un groupe d'auto-ayoud, donc d'auto-support, qui s'appelle Psychiatrisé en lutte de Madrid. Voilà, dans un groupe de soutien mutuel, et ils ont écrit un petit texte pour se présenter, donc qui a été traduit et qui est donc publié dans Sans Remède. Et un autre texte qui a été traduit de l'anglais par, du coup, pour le coup, par des gens de Sans Remède, qui s'appelle Être une non-personne, écrit par une américaine, Amanda Baggs, qui est diagnostiquée autiste, qui s'exprime à l'aide d'un synthétiseur vocal et qui raconte ce que c'est que d'être une non-personne. Alors, évidemment, à l'origine, c'est... Enfin, je pense que elle, cette réflexion lui vient du fait d'être autiste, d'être catégorisée comme autiste, mais elle le dit d'emblée, ça peut s'appliquer, ce concept de non-personne peut s'appliquer évidemment aux gens qui sont traités par des institutions psychiatriques, notamment, ou médicales, ça s'applique aussi aux enfants ou à certains enfants dans certaines conditions. Et voilà, c'est comment on te manifeste que tu ne vaux rien, quoi. Enfin, que tu n'existes même pas en tant que personne. Et voilà, c'est hyper, moi je suis très très contente qu'il y ait des traductions dans Sans Remède, et en l'occurrence qu'il y ait la traduction de Être une non-personne d'Amanda Baggs, quoi, parce que très très fort. Devenir une chose aux yeux de... disparaître en tant qu'être humain et devenir une chose finalement, numéro. Parce que ce qu'elle raconte, c'est tout un tas de choses, c'est d'être évidemment infantilisé, que les gens parlent de toi à la troisième personne, qu'on estime même que t'es tellement pas quelqu'un qu'on peut dire des choses sur d'autres personnes, des choses intimes sur d'autres personnes devant toi, comme si tu comptais, pour du beurre. C'est vraiment, voilà. Voilà, elle raconte le processus de négation et d'avilissement qu'on peut subir quand on n'est pas exactement comme tout un chacun attend qu'on soit. Et c'est à la fois très touchant et vraiment, vraiment intéressant comme manière de le poser, quoi, et de le considérer. Voilà. C'est beaucoup la question d'avilissement aussi qui est soulevée à travers les pages du Sans Remède numéro 5. Ouais, c'est chouette de soulever ça. C'est vrai qu'à chaque fois, on a des nouveaux termes qui nous viennent pendant les temps de rédaction. Et là, on pourrait dire peut-être top 5 des termes qui nous ont bien plu cette fois-ci. J'ai entendu parler de réification. Réification, pas mal. Mais bon, ça, on n'a jamais osé le mettre dans le journal parce qu'on dit c'est encore un concept un peu trop chiant, etc. Ouais. L'entraide, ça nous plaît beaucoup. Et l'avilissement, là, ça a été fécond. Bon, évidemment, l'aliénation, beaucoup. Voilà, ouais, non, c'était comme d'habitude, on a des mots qui nous tendent pendant 15 jours. Alors, Sans Remède, c'est un journal qui rit parfois malgré son sérieux. Ah oui, oui, oui. Et donc, il y a quelques petites pages aussi plus amusantes, plus oui. décontractives. Comme par exemple tout un de l'étymologie un peu on va oui, on a fait des petites pages d'étymologie, enfin des petits bouts d'étymologie, petits bouts, très peu en fait, mais c'est joli poème sur le quatrième de couverture. Et puis la poésie, des rébus qui ont été dessinés par quelqu'un qui est dans ce studio, mais peut-être on ne le citera pas. Voilà, Denis qui fait des dessins aussi pour Son Remède à ses heures perdues quand il n'est pas derrière son micro. Donc voilà, le Son Remède va paraître en juin, c'est quoi, vous allez l'amener sur la plage et il y a des divertissements. Et surtout, il y a toutes les blagues auxquelles vous avez échappé, parce que nous, si on rit beaucoup, on ne vous fait pas part de toutes nos blagues pourries qu'on mais invente. Mais c'est parce qu'il reste sur un bateau, mais qu'est-ce qu'il reste? Exactement. On a fait une petite session de blagues conscientes, mais bon, on n'a pas osé. Voilà. Il faudrait peut-être oser, parce que... Eh bien, combien faut-il de gens de Son Remède pour changer une ampoule? Alors, attends. Tu te rappelles? On est dans le noir, c'est Son Remède. Bon, bref, voilà, c'était de cet ordre-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous raconte pas tout, c'est non pas plus, mal, notre petite popote. Une avant-première sans avant-garde. C'est vachement mieux que le carambar, hein, je peux vous dire. Et quel est le titre du poème que tu... Il n'y a pas de titre. Non, y a pas de... Donc, voilà, la participation de Vincent aussi à ce journal. Eh bien... Qui n'était pas que dans les poèmes. Non. Absolument. Ailleurs, ici, maintenant. Et présent. Eh bien, on va finir avec quelques petites annonces actuelles, d'actualité. Merci Constance, merci Vincent d'être passé. Avec plaisir, merci d'avoir invité.